boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. This Fire pour ouvrir notre 203e Pop and Rock sur la très locale RVR. Franz Ferdinand qui en 2022 sortait son best-of dans lequel on trouvait donc This Fire, mais aussi deux inédits que nous avons déjà partagés dans Pop and Rock. Curious, c'est Goodbye Billy Goodbye, mais c'est Michael qui accompagne Franz Ferdinand pour leur deuxième titre du soir sur RVR. Come and dance with me. So come and dance with me. Michael, you're the boy with all the little hips that you.

way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby. Rendez-vous donc à Musilac pour profiter de Franz Ferdinand et de Iggy Pop et d'autres groupes pas encore connus, car la programmation arrive peu à peu. Et ouais, j'avais envie d'une douceur belge, c'est donc Intergalactic Lovers qui s'y est collé avec bonheur, mais cela ne sera pas suffisant car pour être complet, il faut que Pop & Rock vous offre de l'inédit, du rare, du bon, c'est donc Bipolar Club qui s'y colle avec son Vertigo. We'll be right back. Bipolar Club a sorti en janvier 2022 son premier EP avec notamment Vertigo, On aime ou pas, mais surtout ni on classe ni on compare, mais en les écoutant, je repense à un autre groupe français, Drycan, qui nous rend régulièrement visite avec son Sceptical, mais ce soir, Drycan nous offre Mad Aero. Le meilleur du rock. Et c'est la voix off qui vous le dit, donc on valide. Avec des angles. dessiner pour qu'on se perde. Avec des angles morts, des trompe-l'œil qui mentent. Je suis un labyrinthe comme tout le monde. Fontaine Wallace chantait Dédalus ou quand le cadavre exquis du rock superflu reprend vie. Superflu, rappelez-vous. Mon cœur, vois-tu ce qui s'avance, l'hiver où je n'y connais pas. Toi tu rêves de faire bombance entre la source et le lilas. Et moi je pense ce que l'Indien pense, ce que l'Indien pense tout bas. Quand homme blanc coupe du bois, alors hiver très froid. Quand homme blanc coupe du bois, alors hiver. Ici demain commence, toi tu fais celle qui n'y croit pas. À l'heure du plat de résistance, entre la source et le lilas. Et moi je pense ce que l'Indien pense, ce que l'Indien pense tout bas. Quand un blanc coupe du bois, alors hiver. Quand un blanc coupe du bois, alors hiver très froid. Tu sais que les cigales qui dansent finissent l'hiver. Quand la neige impose le silence entre la source et le lilas. Et moi je pense ce que l'Indien pense, ce que l'Indien pense tout bas. Quand un blanc coupe du bois, alors hiver très froid. Et moi je pense ce que l'Indien pense, ce que l'Indien pense tout bas. Quand un blanc coupe du bois, alors hiver très froid. Quand un blanc coupe du bois, ce que l'Indien pense tout bas. Quand un blanc coupe du bois, alors hiver très froid. Bipolar Club, Dry Can, Fontaine Wallace, Superflu, le rock français n'a rien à envier aux Bretons et autres teutons, surtout lorsque l'on pense aux Limignanas. À voir absolument en live! Et ouais, la voix off a toujours raison. Et pour la petite histoire, le titre de l'hymne à la qu'on vient d'écouter accueillait Anton Newcombe, vous savez, celui du Brian Johnston Massacre. Entre 17h et 18h au 104.6 sur RVR, vous écoutez les petits enfants du rock dans Pop and Rock. We'll be right back. venez de profiter des 3 minutes 15 de John Metal Gray des Buddha's Band qui en 2020 nous offrait Long in the Tooth, album aux 11 instrumentaux digne d'un excellent Tarantino. La preuve ? Ok. Pop and Rock vous emmène encore ce soir dans les terres non défrichées du rock et cette fois on y retrouve The Entrepreneurs, les Danois amoureux de la fille à l'odeur de cannelle. Porridge with cinnamon. ma petite dame, il y a les méduses et les insectes. Là, il y a les glandus, les grouillots. Là, il y a les mecs normaux. Et là, il y a les chevaliers. Là, il y a les rois et les princes. Et après, bien au-dessus, il y a pop and rock. Surtout quand on écoute The Man avec Breeze. À peu près à la même époque, dans Pop and Rock, on vous offrait aussi The Unlikely Candidates. Novocaine, I keep it coming so I feel no pain. I tell my girl that I'ma change my ways. She knows I'm never gonna change. Until she busts my lip. So many problems, you can take your pick. I know I'm never gonna change. I am what I am, I know what I know. I'll let you down if you let me too close. I am what I am, know where I go. You catch me running away, then you'll know. Change.

soul.